mes petits débits me donnent la mi peine qu'ils crèvent dans leur mytho. Moi j'ai pas la vie de rêve, je rêve de la vie que je vis. Vrai, je meurs vrai si je vis vrai. Je vais tout baiser, je le sens, j'en suis si prêt. Y'a de la citrine partout, ça va si je traîne. Yeah, la vie c'est pas Snapchat, fuck toutes tes stories. Millionnaire, ignore clochard, c'est horrible. Yeah, yeah, yeah, ouais, ouais, ouais, tout niqué, dans la jungle, j'ai le flow du gorille. Yeah. J'assume mes actes, j'assume toutes mes conneries. Il reste une lâche, la fume dans 9-3 fois 40 El Khomri. J'espère qu'une offre allégeante vient avec la sonnerie. Je sais que l'argent c'est mal, mais la société ne reste que les hommes riches. Yeah, yeah, yeah, ouais, ouais, ouais. Fuck, fuck, fuck, stop, stop, stop. Yeah, yeah, yeah. Brr, brr, brr. Brr, brr, brr, brr. Skr, skr, skr. Nique sa mère. Brr. Nique sa mère. Nique sa mère. Nique sa mère. Faut que j'ai le mort. J'ai la rage. Faut que je sors de la cage. Nique sa mère. Nique sa mère. Nique sa mère. Nique sa mère. Faut que j'ai le mort. J'ai la rage, faut que je sors de la cage. Les frères parlent de karma, violence et fait boomerang. Prépare-toi au carnage, que du vrai pas d'arnaque. J'ai hidé sur le tarmac, abusé, je suis russe et je fais du sel. J'ai fumé une fusée, je suis dans le ciel. Je vois le toit de la tour Montparnasse. Yeah. Je suis dans le truc, je m'installe. Je suis complètement fucked up, je suis instant. Pas de sentiment pour l'instant. Fuck ton instinct, je follow mon instinct. Et ces bâtards ont fait du bon taf. On sait seulement ce qu'ils veulent que l'on sache. On fait seulement ce qu'ils veulent que l'on fasse. Un jour ou l'autre, il faudra qu'on se fâche. Il faudra qu'on se tape pour déjouer le système. Décolle de la télé, t'as le cerveau qui saigne. Je m'en bats les couilles de mon pétasse ficelle. Je veux pas être un pendant, j'ai coupé les ficelles. Ouais, ouais, jeune nécro, brionné, salope, siliconé. Je fume, je vais pas picoler. Ouais, ouais, ouais, tu connais. Yeah, yeah, yeah, ouais, ouais, ouais. Fuck, fuck, fuck, stop, stop, stop. Yeah, yeah, yeah, brr, brr, brr. Brr, brr, brr, brr, brr, skr, skr, skr. Nique sa mère, brr. Nique sa mère. Nique sa mère. Nique sa mère. Fuck, j'ai le mort. J'ai la rage. Fuck, je sors de la cage. Nique sa mère. Nique sa mère. Nique sa mère, nique sa mère. Faut que j'ai mort, j'ai la rage. Faut que je sors de la cage.